Bye bye la baignoire, bonjour la douche. Moi j'appuie sur une touche et je prends rendez-vous aussitôt pour qu'un artisan s'occupe de mes travaux. C'est easy. Prendre rendez-vous en ligne avec un artisan qualifié pour des travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Easy by EDF. Informations et conditions sur easy.edf.fr. Les travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Histoire sans images, comprendre un film à la radio? Oui, et plus, et mieux que ça. Puisque le principe de l'émission de Michel Pollack était de demander à un réalisateur de se pencher à nouveau sur le scénario de l'un de ses films, accompagné de l'un de ses comédiens, et de le relire, ce scénario, et de s'arrêter lorsque nécessaire sur tel ou tel aspect du tournage et sur les transformations. Bref, de l'écriture du scénario au film achevé. Le 29 avril 1967, c'est à Claude Chabrol que Michel Pollack avait proposé de se livrer à cet exercice. Une intrigue policière et la logique de la continuité filmée, un film invraisemblable et possible, et en perpétuelle contradiction avec lui-même, selon Chabrol. Histoire sans images, une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, le scandale de Claude Chabrol avec l'auteur et Maurice Ronet. Claude Chabrol, voici votre dernier film, Le Scandale. Je dois avouer qu'au départ, je pensais vous demander de présenter un de vos films anciens. Je ne sais pas lequel, d'ailleurs, vous auriez choisi, mais je crois que vous ne gardez pas les scénarios. Non. Jamais? Non. C'est un principe ou c'est un manque d'ordre? Je les perds pendant le tournage. Je ne peux pas les retrouver. Mais c'est dommage, alors personne ne garde les scénarios de vos films ou... Je ne sais pas, peut-être s'il y avait un barbu dans le temps qui travaillait avec moi comme régisseur et qui maintenant est passé à d'autres activités... Qui les gardait. Alors je crois que les 4 ou 5, les 4 ou 5 premiers, ils vont les avoir. Peut-être les producteurs doivent les avoir, les distributeurs, le centre du cinéma, quand on demande une avance. Mais il y a une constante dans vos films, me semble-t-il, c'est l'amitié. On pourrait presque appeler votre œuvre les copains, j'ai l'impression, non? Je ne tiens pas tellement à ce qu'on appelle les copains. C'est une amitié qui est souvent vénéneuse, oui. Enfin, ouais. C'est... Il y a toujours dans vos films quand même la petite pointe d'humour dévastateur de deux garçons qui se fichent du monde, non? Une espèce d'anarchisme. Mais il y a une belle complicité en tout cas. Oui, oui, il y a de la complicité, oui. Mais je crois pas que ce soit. Hein. Oui, mais c'est pas anarchisant. Ils font des frasques, oui, parce que ça les amuse, mais enfin, ils vivent dedans. Et puis ce ne sont que des frasques. Enfin. Enfin, ce sont ça des n'est frasques pas eux qui cherchent à casser la baraque, c'est moi. Enfin, c'est très différent. C'est... Ah, c'est vous? Oui, moi, je veux casser la baraque. Enfin, mais eux, non. Ils sont jamais déclarés. C'est, je crois que la ils ont peu de chances de l'être. Oui, c'est ça, ils ne doivent jamais l'être. Ouais. C'est ça. Mais par exemple, le scandale, l'impression qu'on a en voyant le scandale, c'est de se dire, c'est ce genre de sujet qu'un producteur est allé chercher dans un tiroir et a dit à un cinéaste, tenez, faites-moi ça. Et on a l'impression que le cinéaste a dit d'accord et qu'il a rajouté sa petite vision personnelle. Alors, est-ce qu'au départ, il y avait par exemple un roman série noire, un peu de série? Non, pas du tout. Au départ, il n'y avait rien du tout. Il y avait un producteur qui est venu me voir en proposant un film qui était un crime chez des nudistes. Et j'ai accepté, car j'accepte toujours tout. Et un an et demi plus tard, j'ai tourné ce film-là. Ça a mis longtemps, enfin, ça a mis un an et demi. Je cherche ce qui pourrait rester de l'idée originale de Jean Baguet. Et c'est devenu un crime chez les marchands de champagne. C'est ça. Ouais. Oui, si on peut appeler les marchands de champagne des nudistes, ce serait le seul lien qu'on pourrait trouver. Mais... C'est-à-dire, ça a commencé parce que j'ai d'abord voulu faire de ces nudistes des marchands de champagne. Ce serait drôle de voir des types qui vendent du champagne et qui sont nudistes l'été. Puis après, j'ai supprimé les nudistes parce qu'ils m'ennuyaient, puis c'est toujours bête. Il y avait une chose qui m'amusait dans les nudistes au départ, c'était de savoir quand il y avait un crime où ils cacheraient l'arme du crime. Et puis après, ça m'a rasé. Et en tout cas, les nudistes n'auraient pas pu être décorés. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la qualité de la couleur et d'image de Jean Rabier. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup frappé. Mais enfin, vous l'avez voulu, tout ça, il y a une grande recherche. On peut toujours le vouloir, mais il faut l'obtenir. Ouais. Et là, c'est pas une... Au contraire, je trouve qu'il était même très inspiré. Très, énormément. Ouais. Je crois que c'est un des plus beaux génériques que j'ai vus dans le cinéma français. Oui, il est joli. Ah, oui. Il est merveilleux. Et d'ailleurs, on va essayer de le décrire, ce générique, je crois. C'est ce qu'on va vous demander, puisque c'est le principe de cette émission. Avant, je voudrais vous demander encore un point, c'est sur la distribution. Il y a Anthony Perkins et Maurice Ronet dans la distribution. Maurice Ronet, c'était votre premier film avec Claude Chabrol? Ah non, on avait fait d'autres. Oui, c'est vrai. On a déjà fait La Ligne de démarcation. La Ligne de démarcation, pardon, qui est le précédent d'ailleurs. Qui n'avait été faite que pour préparer celui-là. Oui. Ouais. Il s'est roulé sur la ligne bleue. Oui. Maurice Ronet, qu'est-ce que vous avez pensé du travail avec Chabrol? Puisque vous êtes vous-même réalisateur de films maintenant, vous avez fait votre premier film il y a... Oui, mais quand je suis acteur, je fais taire le réalisateur. De toute façon, je crois que ça s'est bien passé. Enfin, j'étais une patte dans les mains de cet homme. Une bonne patte. Est-ce qu'il est vraiment totalement passif? On imagine assez peu. On a l'impression que dans les rôles qu'il a, il y a une discussion au niveau de la réalisation. Non. Discussion aimable. Pas au niveau de la réalisation. C'est pas compliqué avec Claude maintenant, comment on s'entend bien. Je sais que quand il ne fait pas ses mots croisés, il est de mauvaise humeur. Quand il fait ses mots croisés, ça va. Et quand de temps en temps, il lève les yeux de ses mots croisés, alors je sais que ça, il s'est passé quelque chose d'assez rare. Non, ce qu'il y a de bien avec Claude, je crois que c'est ce qu'il doit y avoir toujours avec un réalisateur, entre un réalisateur et un acteur, c'est-à-dire une entente, enfin ce qu'on appelle un directeur d'acteur, finalement, c'est pas un monsieur qui demande, c'est un monsieur qui fait trouver des choses. Mmh. Et une entente comme ça, tacite. Et puis c'est amusant parce qu'il est toujours un peu difficile d'étonner ses amis, et quand on a envie de les étonner, ça donne toujours de bons résultats. Mmh. Eh bien, nous allons ouvrir le scénario du film Le Scandale. C'est une grosse brochure de combien, 200 pages, donc 150 pages, oui. Parfaitement bien présentée. Je vois une description très précise de la première séquence, et cette première séquence, c'est un générique, et comme je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est un des plus beaux génériques du cinéma français, enfin, les plus beaux génériques tout court. Est-ce qu'on pourrait vous demander alors donc de nous le lire, puisqu'il s'agit maintenant, comme nous le rappelons dans cette émission, d'analyser en détail un film, comme nous l'avons fait déjà dans une première série d'Histoires sans images l'année dernière, d'analyser un film dans son détail, comme on ferait l'analyse d'une pièce de théâtre ou d'un roman à l'université. Alors on y va. Un peu après minuit, par une soirée d'août, une voiture dévale à grand fracas les Champs-Élysées. Deux hommes l'occupent. Le conducteur, Christopher Belling, qui est joué par Perkins, a visiblement beaucoup bu et est d'humeur fort joyeuse. Mais non, ben là, justement, il préfère avoir l'air triste. On sait pas très triste. Lui, il n'a pas l'air gay. Oui. Enfin, il fait sérieux. Comme les trois quarts du temps, on est de dos. Ça... Son compagnon Paul Wagner, c'est-à-dire Maurice Ronet, a dépassé ce stade et affalé sur la banquette arrière. Il dort comme un bienheureux, sans connaissance. Non, c'est pas vrai non plus. En fait, il est sur la banquette avant, il essaie de refiler la bouteille de whisky à Perkins qui n'en veut pas, et lui boit comme un trou. Christopher est maintenant dans un quartier plus calme de la capitale, et une fois de plus est arrêté à un feu rouge. Tandis qu'il stationne, une porte s'ouvre brusquement et deux personnes débouchent sur le trottoir, un homme et une femme. Comme il y avait déjà beaucoup de feux rouges, que j'en avais tourné aucun, j'ai supprimé celui-là aussi. Mais aussi pour l'utilisation de la couleur rouge, non? Oui, et puis comme je ne voulais pas de rouge dans le film, du tout. Ah, il n'y a jamais de rouge dans le film? Il n'y en a qu'un, trois moments particuliers. Ah oui, pas juste. Non. Alors on a supprimé le feu rouge. Mm-hmm. Et tandis qu'il stationne, là, il y a une porte s'ouvre brusquement et deux personnes débouchent sur le trottoir, j'ai pensé qu'il était mieux qu'elles y soient déjà. C'est les éviter d'ouvrir la porte. Ils sont sur le trottoir. Ils ont une altercation, et nous voyons la femme exposer ses arguments sur un ton furieux et les énumérer en posant successivement un doigt ganté sur les doigts de sa main gauche. Ça, je sais pas si elle le fait, parce que... Elle lui flanque une paire de claques. Oui, on fait pas attention. Christophe l'observe avec intérêt, car même dans sa colère, la femme reste élégante et séduisante. Non, c'est pas vrai, on l'a fait vraiment genre poufias. Enfin, finalement, oui, c'est assez... Oui. L'homme parvient à placer un mot qu'elle écoute en simulant une patience excédée et inquiétante. Quand l'homme s'est tu, elle lui flanque une gifle. Magistrale. Sur quoi l'homme fait demi-tour, rentre dans l'immeuble et claque la porte cochère. Il fait pas demi-tour et rentre pas dans l'immeuble et claque la porte cochère. Il s'en va. Christophe sort de la voiture et approuve le geste violent de cette femme de manière évidente. Et il embarque la fille qu'il invite à monter dans la voiture. La fille monte dans la voiture. Il roule dans un bois près de Paris. La nuit est belle et Christophe stoppe la voiture dans une clairière. Ça, c'est vrai. Au moment où la voiture, dans un dernier chaos, s'arrête au point mort, la tête de Paul réapparaît et il mesure la situation. Il se hisse par-dessus le dossier du siège avant et vient s'insérer entre la jeune femme et Christophe sur le siège avant. Ça, c'est vrai. Paul, je m'appelle Paul, et vous ? Michel, Michou. Oui, enfin, Michel. Et moi, comment je m'appelle ? Ça, c'est bon, là. C'est Christophe qui dit ça. Vous connaissez cet endroit ? Non, non, je ne sors jamais, dit Michel. Christophe insiste, vous ne préférez pas que je m'en aille, car il voit que Paul est déjà très, très occupé avec cette jeune dame. Et puis il enchaîne en disant, Paul, rappelle-toi les paroles de l'évangile, les premiers seront les derniers et vice-versa. Voilà. Mon heure viendra. Ouais. Un cri d'oiseau... Mon heure viendra, c'était inutile. Il dit, vas-y, mollo. Oui, vas-y, mollo. Dans le cri d'oiseau a lieu avant. Plus américain. Oui, qui est plus américain. Le cri d'oiseau a lieu avant. Ouais. Parce que ça fait un peu peur, je trouve. C'était bien. Non, mais je crois qu'il faut quand même préciser ce qui n'apparaît pas tellement dans cette lecture, c'est qu'il y a quand même un début d'atmosphère angoissante là, dans ce sous-bois. Oui. Ces deux hommes qui ont trop bu, cette fille dont on ne sait pas très bien qui c'est, d'où elle sort. Il y a un arbre qui fait un... Ah, c'est l'arbre. Je n'ai pas analysé mon angoisse, mais ça vient de la branche qui pend. Ouais. Oui. Mais tout dans le film, même dans les scènes les plus légères au début, il y a toujours une présence inquiétante, toujours quelque chose qui annonce... L'arbre, il fait peur. Moi, il m'a fait peur quand je l'ai vu. Qui fait bizarrement peur, dans ce plan-là, c'est plutôt quand Perkins boit le whisky avec la main. Avec la main. Et qu'on ne sait pas pourquoi. Et il y a une espèce de mouvement contrarié entre un travelling, je crois. C'est la ligne de la branche d'arbre qui contrarie le mouvement du travelling. Ah oui, c'est ça. Alors, ça fait curieux. Mm-hmm. Mais alors, ces indications-là ne sont pas marquées sur le scénario. Parce non, jamais d'indications techniques. Ou jamais. Non. Bon, parce que certains réalisateurs, eux, au contraire, indiquent là, travelling avant. Oui, c'est vrai, ils ont la veine de le savoir. Ah bon. Et ils ne respectent rarement, d'ailleurs, non ? En général, oui, enfin, je ne sais pas, mais c'est fait pour des producteurs, vous savez. Il y a une chose très rigolote, c'est que la France, je crois, est le seul pays où les producteurs demandent des numéros avec des indications de mouvement de caméra qu'ils ne lisent d'ailleurs jamais. Et puis ils disent, j'ai un film en 800 numéros, ils ont l'impression que c'est un film cher. Ou bien... et là, moi, ça fait très longtemps que j'ai perdu l'habitude de faire ce travail, c'est un travail... insipide, puisqu'il ne sert à rien, il ne sert qu'à la non-lecture des producteurs. C'est-à-dire, ils veulent voir des numéros, mais ne les lisent pas. Alors, j'ai supprimé tout ce genre d'indications, et j'ai prévenu les producteurs américains, donc, qui m'ont dit, bien sûr, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi voulez-vous mettre des numéros de quoi, des numéros de qui ? Et j'ai appris qu'aux États-Unis, ils ne mettent jamais de numéros, comme ça. Il n'y a qu'ici. Alors, vous en étiez au moment où Christopher s'est éloigné pudiquement avec une bouteille de whisky. Et s'est dirigé dans un sous-bois. On a dit que c'était la nuit ? Oui. Quatre hommes âgés d'environ 35 ans guettent Christophe, oui, caché derrière ça. Les buissons. Non, j'ai simplifié ça. Ils le voient s'éloigner de la voiture et s'avancer vaguement dans leur direction. On ne les voit pas. Je pensais qu'il serait mieux de jouer le jeu dès le début. C'est-à-dire qu'on ne montre pas les hommes d'abord et puis qu'ils arrivent d'un seul coup. Alors je ne les ai pas montrés avant. Christophe approche et passe devant eux sans s'apercevoir de leur présence. Puis, au signal donné par un sifflement assourdi, il se précipite sur lui, et comme il se retourne, l'un d'eux lui assène un violent coup de poing à l'estomac. Christophe s'affaisse sur le sol, recroquevillé par la douleur, incapable d'émettre un autre son qu'un gargouillis étouffé. Les hommes se dirigent ensuite vers la voiture qu'ils approchent par l'arrière, deux de chaque côté. Ils ouvrent brutalement les deux portières de la voiture. L'un d'eux brandit une torche aveuglante à l'intérieur où Paul et Michel sont enlacés. L'un des hommes passe son bras autour du cou de Paul et lui fait une clé. Un autre lui tord le bras. Durant cette scène... Les voix, les exclamations ne sont que des murmures étouffés. L'agression a le caractère d'une hallucination. Deux des hommes se jettent sur la jeune femme et la traînent hors de la voiture. À un moment donné, la jeune femme émet un cri semblable à celui de l'oiseau qu'elle a déjà entendu deux fois. Elle n'a pas su le faire. Elle n'a pas su le faire. Mais elle a un cri très convaincant. Elle a un beau cri. Non, elle a un très beau cri, mais ce n'est pas le cri de l'oiseau. De toute façon, on n'avait pas l'oiseau au moment où on lui a fait faire son cri. Alors, trouver un oiseau qui ressemble au cri de la fille, c'est au-dessus de mes forces. C'est un truc que j'avais utilisé dans Les Bonnes Femmes, ça. Le cri de l'oiseau. Il y avait un cri d'oiseau qu'on entendait, et en définitive, on s'apercevait que c'était le cri de la fille qu'on était en train d'étrangler. nous assistons à la scène telle que la voit Paul de son point de vue. Nous ne faisons qu'entrevoir ce qui se passe derrière la voiture, la lutte de la jeune femme et le rire obscène de ses agresseurs. Premier homme. Tiens-la bien, nom de Dieu. Paul est réduit à l'impuissance. Une main est plaquée sur sa bouche comme un étau. Vas-y, mollo, merde. Enlève ta main, tu l'étouffes. T'en fais pas. Toujours vu par Paul, c'est le premier homme qui dit t'en fais pas. Toujours vu par Paul, nous n'apercevons que les vagues mouvements de bras et de jambes se débattant. Laissez-moi un petit peu. Mais lâche-la, bon sang, elle peut pas respirer. Tu la fermes, ouais. Merde, t'es cinglé, merde, merde. Qu'est-ce qui se passe, bande de cons? Péniblement, Christophe s'est redressé, ça n'est pas dans le film. On voit les hommes traîner à grand-peine le corps de la jeune femme derrière les buissons. Les deux hommes qui maintiennent Paul comprennent que les choses ont fort mal tourné et sont pris de panique. L'un des hommes qui garde Paul. Tirons-nous, il disait tirons-nous pour qu'on comprenne mieux. Il se demande comment se débarrasser de Paul. Soudain, l'un d'eux, ça, il se demande même plus, ça va très vite. Oui, ça va très Soudain, l'un d'eux, avec une force sauvage, précipite la tête de Paul contre le pare-brise qui vole en éclats. Et au moment de l'impact, l'écran se vide et passe au blanc. Là, il ne passe pas au blanc. En fait, il ne passe pas au blanc. Il y a une espèce de déchirure sur le côté de l'écran. Et c'est le début du générique. Oui. Alors, travelling sur un encéphalogramme portant le nom de Paul Wagner. Un casque hérissé de fils d'électrodes sur fond blanc. Des visages et des corps vêtus de blanc comme un fond presque blanc. Le tout en surimpression. Une main posée sur la manette d'un appareil électrochoc. Le visage de Paul endormi. Autre travelling de l'encéphalogramme. Un grand jardin dans lequel... Alors, tout le générique va jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses. Puisqu'il y a même un moment un électrochoc. Mais là, il y a vraiment une recherche visuelle et d'images, de couleurs, qui est admirable. Tout ça sur un fond de couleurs qui bouge. C'est magnifique, ça. Et puis on entre dans le film. Un court de tennis près de la maison de Paul dans la propriété. Oui. Les joueurs sont Christophe et Paul qui jouent sur gazon dans un court installé dans la propriété près de Reims. Leur arbitre et ramasseur de balles est une jeune et jolie blonde nommée Denise. Elle n'est pas tellement blonde. Oh, c'est blonde. Oui, blonde. Son attitude à l'égard des deux hommes est franche et dégagée, mais si elle est venue en voiture de Paris, c'est pour voir Paul. Paul gagne la partie. Christophe se dirige vers un des poteaux de filet où est accrochée une serviette. Paul va le rejoindre. Christophe prend la serviette et éponge son front et son cou en nage, puis la jette à Paul, qui va en faire autant. Arrête. Paul s'adresse à Christophe un peu à l'écart. Comment as-tu découvert l'histoire de l'acheteur américain? Christophe, je ne sais pas. C'est Christine qui en parlait à Jacqueline. Non, c'est Christine qui me l'a dit. Paul, elle te met au courant de ses affaires maintenant? Elle m'en parle quand je l'écoute, mais comme je m'en fous... Oui, mais elle t'a envoyé quand même jouer au tennis pendant qu'elle avait sa petite entrevue d'affaires. Elle savait que tu m'en parlerais. Donc elle voulait que je sois au courant. La coquine. Il faut bien que tu sois au courant un jour ou l'autre. Tu lui as demandé pour un bourg, tu viens avec moi? Je ne sais pas encore, elle est toute la journée à son bureau. Elle n'y passe pas la nuit quand même. Enfin, elle s'entraîne. Et moi qui croyais t'avoir rendu service. C'est pourtant la plus grande des preuves d'amitié que je t'ai donnée là. Qu'est-ce que tu racontes? Procurer à son ami une femme riche, c'est la plus grande des preuves d'amitié, non? Un tour de cochon, oui. Alors là, il y a une histoire avec une souris électrique. Oui, Denise est arrivée d'ailleurs, de la petite boîte a sorti un objet. C'est une souris électrique. Ça n'est pas une araignée géante. C'était marqué une araignée géante sur le truc. Et l'araignée géante coûtait 450 000 balles. Alors comme elle coûtait 450 000 balles, j'ai préféré avoir 3 jours de tournage supplémentaire. 450 000 balles. Et on a remplacé ça par une souris dite électrique, mais qu'il fallait remonter avant chaque fois. Oui. Il y a Paul qui dit, c'est exactement ce que je voulais. Et Christopher dit, au lieu de dire quelle horreur, dit c'est dégueulasse. Tout ça parce que je voulais montrer que Christopher avait, enfin, les premières paroles que Christopher prononce sont perpétuellement à double sens. Bon, il dit comment as-tu appris l'histoire d'acheteur américain? Et Christopher répond. La clé de tout. Il répond, je ne sais pas, c'est Christine qui en a parlé à Jacqueline. Non. C'est Christine qui me l'a dit. Oui. Tu suis. Bon. La deuxième phrase qu'il prononce, c'est « Elle m'en parle quand je l'écoute, mais comme je m'en fous. » Et la troisième phrase est encore plus importante, c'est « Un tour de cochon. » Bon. Et ensuite, il dit « C'est dégueulasse. » Bon. Bref, c'est-à-dire que toutes les phrases que prononce Christopher pendant cette séquence sont en rapport direct avec son comportement dans le film. Oui, mais alors là, c'est le danger, c'est que cette subtilité nécessite une deuxième vision du film, non? Mais tant mieux. Même trois. Trois, oui, parce que la troisième, il y a autre chose. Oui. On en parle. Ah oui, on en parle. Alors on passe à la séquence 4, dont le dialogue me paraît difficile à donner, puisque déjà... C'est uniquement oui, la séquence 4 est uniquement faite de borborygme. La séquence 4, c'est les deux acheteurs américains qui s'expriment dans un anglais difficile. Accent américain. Dans un français difficile. Et ce sont des acteurs américains qui parlent avec l'accent naturel qu'ils ont en français. Mais c'est un américain du Moyen-Orient. Oui, il s'appelle Loukoum. Oui. Ah bon. Mais l'autre s'appelle Clark. Cette séquence est une séquence de discussion pour l'achat de la firme de champagne. Donc, la situation est simple, c'est que la firme appartient à la femme de Christopher que nous avons vu, et le nom de la la marque, enfin comme Veuve Clicquot, enfin la Veuve Clicquot, c'est Maurice René, c'est Paul Wagner. C'est ça. Et au fond, l'important, c'est d'arriver à acheter son nom. Acheter aussi son nom, et lui veut pas le vendre. En fait, c'est la seule richesse, c'est tout ce qui lui reste, bon. Puisqu'il a vendu ses chais, ses terres et ses caves. À cette femme. Il ne reste plus que la marque du champagne. Il va le brandir comme un blason. Alors, dans cette scène que nous passons, il y a donc Christine. Et Christine est jouée par Yvonne Furneaux. Oui, il y a une chose qui est assez importante, c'est que dans cette scène-là, je crois, par corollaire, elle explique bien les rapports qu'il y a entre Christine, qui est Yvonne Furneaux, qui est Madame Belling, qui est mariée avec Christopher. C'est-à-dire Anthony Perkins. Exactement. Mmh. Et que le personnage de Paul, propriétaire qu'il était au début, avant le film, est devenu une espèce d'empêcheur de danser en rond et empêcheur de boire en rond. Christine, alors c'est la femme d'affaires, mais de fort jolie femme en même temps. Hein. C'est la femme déjà un petit peu mûrissante, non? Parce que elle est plus âgée que son mari Christopher, non? D'après les rapports qu'ils ont. Elle est plus riche, donc plus âgée. Moralement, disons qu'elle a plus le sens des responsabilités que son mari, oui. C'est ce genre de femme d'affaires qu'on rencontre, qui mettent des lunettes pour discuter les contrats, enfin, c'est connu. Il y en a beaucoup, mais il y en a partout. On apprend aussi dans cette scène-là, je crois, une chose, enfin, c'est un rappel au générique que Paul Wagner a été choqué par la vue de ce viol et de cet assassinat, qu'il a passé dans une clinique où il a subi un traitement, on le dit par la suite, une quinzaine d'électrochocs. 17. Et il est pris par un des acheteurs pour un fou. Enfin, il est un des acheteurs. Ouais, c'est ça. Et que si on ne traite pas l'affaire immédiatement, c'est parce que Paul, sans s'y opposer vraiment d'une manière évidente, n'est pas du tout favorable à avoir son château dans lequel il est né, du reste il le dit par la suite, vendu à des Américains, à des étrangers, et chassé de chez lui. Alors ça, je crois que c'est la situation. Oui, c'est très important, parce que dès le départ aussi, il y a l'ambiguïté. On a vu le choc, on a vu le générique, et on se demande si Paul est fou, dès le départ, nous-mêmes. Christine rentre chez elle après l'entrevue avec les hommes d'affaires. Elle conduit elle-même sa voiture, ce qui n'est pas vrai, elle a un chauffeur. Oui. Elle traverse le domaine en direction de sa maison, elle aperçoit Paul et Denise qui se dirigent vers le bungalow de Paul. Ça, c'est une chose aussi importante, c'est que Paul ne vit plus dans le château. On lui a construit un peu à l'écart dans le parc un bungalow où il est complètement isolé. Et nous sommes maintenant dans la salle à manger des Belling, c'est-à-dire à l'intérieur du château. Il y a à table Christine, Christopher, Paul et la secrétaire Jacqueline, qui est la secrétaire particulière de Christine. Une longue table de réfectoire occupe le centre de la pièce qu'éclaire un lustre magnifique. Au mur, des toiles de peintre moderne. Alors ça, j'ai supprimé les toiles de peintre moderne. Et objets saugrenus. Un poste de télévision est posé sur une grande panetière d'acajou sculpté. C'est pourquoi la place habituelle de Christophe n'est pas au bout de la table, ce qui l'obligerait à tourner la tête dans une position inconfortable pour regarder les émissions. Mais sur le côté, il n'a qu'à lever la tête au-dessus de son assiette pour faire face à l'écran. Alors là, j'ai changé, car je me suis dit qu'après tout, comme il était le maître de maison, il avait disposé la télévision là où il pouvait être en bout de table et pouvoir regarder la télévision quand même. Simplement, il est le seul à être en face de la télévision. Un programme de jeu est en cours à la télévision. Christine a déblayé un espace devant elle pour poser son livre d'adresse sur la table, tandis que Jacqueline, un calepin à côté de son assiette, prend note des instructions de sa patronne. Ils en sont au second plat, et le maître d'hôtel a servi des rognons sauce madère. C'est vrai. C'était vrai, du reste. Oui, c'était des vrais rognons sauce madère. méticulosité du metteur en scène prodigieux. Oui, on a même, il y avait même un gag qui ne passe jamais parce qu'il a tourné trop long. Oui, oui. C'est qu'à un moment, Christophe se fâche et prétend. Christine demande qu'on lui fasse réchauffer ses rognons parce qu'elle prétexte qu'ils sont trop froids. Et Christophe prétend qu'ils sont exactement la température voulue pour des rognons. Et Christophe demande son avis à Paul. Et Paul lui répond qu'ils sont délicieux, mais lui, en fait, mange un steak tartare. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça accentue encore la complicité de ces deux hommes contre Christine. Là, on n'a pas distingué le steak tartare. Mais on n'a pas distingué le steak tartare. Alors là, évidemment, il est difficile de donner toute l'ambiance, car en fin de compte, la télévision hurle dans la salle pendant qu'on discute, et qu'on a droit à un jeu télévisé entre Pierre Sabag et une concurrente, selon les normes habituelles des jeux télévisés. C'est ça. Alors, les questions... Je suis allé très loin dans le réalisme, car les questions sont les questions de Pierre Sabag lui-même. Je peux dire que c'est lui qui a présenté le choix de questions. C'est formidable, Pierre Sabag. Ouais. C'est extraordinaire. Christine fait une liste des gens qu'elle va inviter à sa soirée qu'elle donne en l'honneur de ses deux acheteurs éventuels, Monsieur Loukoum et Monsieur Clark. Je pense que là, effectivement, c'est très difficile de décrire parce que ce sont des phrases qui se répondent avec la télévision. Mmh. Et il est assez difficile, mais cette télévision devient de plus en plus obsédante et de plus en plus présente. Le principe est que Paul et Christophe réussissent à faire inviter la petite Denise, là, celle qu'on a vue déjà au tennis, et une autre fille dont on parle comme ça, qui a l'air d'être un numéro. Enfin, elle est rigolote, si je te déclare adieu. Qui est une Anglaise, manifestement, puisqu'elle s'appelle Evelyn Wharton. Wharton. Evelyn Wharton. Et alors, dans tout ça, on fait la connaissance quand même de la secrétaire Jacqueline, oui. qui ressemble à une vieille fille ingrate de province. Oui, c'est une vieille fille ingrate. C'est ça. C'est ça. Une vieille fille ingrate de province. En pleine discussion, et au moment le plus énervant et le plus grave, Paul, qui est toujours un petit peu déphasé par rapport à la situation, il faut bien le dire, sort sa souris électrique et la fait passer devant Christine qui pousse un hurlement pensant que c'est une vraie souris, etc. Le dîner prend à ce moment-là une autre orientation. Puis on se remet à parler de la liste des invités. Et Christophe, on profite pour lire l'obituaire du Figaro. Il dit textuellement... ça c'est rigolo, écoutez, Madame Hervé Coignard, Monsieur Jean Coignard, Madame Grézette, etc., etc. On a la douleur de vous faire part du décès de Monsieur Hervé Coignard, leur époux, père, grand-père et oncle. On dirait un inceste, dit Christopher. Christine dit, qui as-tu dit ? Monsieur Christopher dit, Madame Hervé Coignard, Monsieur Jean Coignard. Et Christine dit, mais qui est mort ? Il dit, ah, Monsieur Hervé Coignard est mort. Christine dit à Jacqueline, rayez-le. C'est-à-dire qu'il était sur la liste des invités. Ça prouve que c'est des gens bien. C'est à ce moment-là que Paul en profite pour faire une petite sortie, comme il en fera plusieurs dans le film, et où il se fâche, et où il dit « Enfin, qu'est-ce que c'est que cette soirée à la fin ? On m'invite, et tout ce qu'on m'offre, c'est une conversation d'affaires et des jeux à la télévision. Vous ne voulez plus parler avec moi ou quoi ? Peut-être que ça n'est pas le moment. » À ce moment-là, il avise sur l'écran de télévision le visage de Catherine Langer. Et il dit, en lui lançant un verre à la figure, enfin à la figure de l'appareil de télévision, celle-là aussi, elle m'énerve. Et comme elle s'obstine, puisque c'est son métier, il dit non, mais c'est fini, oui, et il lui lance un cendrier et il fait casser, il casse la télévision. Il explose dans ces cas-là, il y a beaucoup de fumée. On a bien entendu, ça met fin au dîner, tout le monde se lève, et Christine emmène Penaud, Paul, dans le salon. Dans un salon à part, pour lui parler de la vente. Vous voulez venir dans le salon, dit-elle. Je souhaite que vous me croyiez quand je dis que je donnerai n'importe quoi pour que vous et moi, dit Christine, et Paul termine sa phrase en disant, nous puissions nous unir. C'est si bête de ne pas s'entendre quand nos intérêts sont les mêmes. Je pensais que tu n'aimais pas les souris électriques. C'est bien ce que je veux dire, c'est bon, j'admets que ton nom fait autorité. Et tu meurs d'envie qu'il devienne le tien, hein. Tu n'en renonces jamais, hein, Christine. Moi, au moins, je me bats dans un but précis. Alors là, je suis furieux après moi, parce que j'ai pas fait attention que ça pouvait prêter à contresens le fait qu'ils disent « tu meurs d'envie qu'il devienne le tien ». ça peut faire croire que Christine a l'intention. De notre côté, j'aime assez, parce que l'ambiguïté venait, enfin, l'ambiguïté que je voulais créer était là, mais on n'a pas compris l'ambiguïté que je voulais créer, on a compris le... Il n'y a que la mauvaise interprétation qui passe, en définitive. C'est que les spectateurs croient, risquent de croire, que Christine a l'intention d'épouser, alors que pas du tout. Tu demandes envie qu'il devienne le tien, c'est-à-dire que le nom de ton... Que le nom du champagne devienne le nom de ton champagne. Moi, du moins, je me bats dans un but précis. Bon. Toi, tu te bats pour te vendre la vie impossible. Par exemple, combien gagnes-tu en tant que représentant de l'association des marchands de champagne ? Oh, pas énormément, mais c'est pour ça. Ça, on glisse là, on glisse une explication du métier de Paul avec une lourdeur éléphantesque. Entre-temps, Christophe est entré et s'est versé un grand verre de cognac. Pas énormément, mais c'est pour me sentir libre de voyager comme je l'entends. Par exemple, après-demain, je pars pour Hambourg. Alors Christophe dit, c'est après-demain que tu pars. Nous savons depuis la première scène, depuis la scène après le tennis, qu'ils ont envie de voyager ensemble, ils ont envie de partir tous les deux. Oui, ils ont envie d'aller faire la bringue à Hambourg. Ne vaudrait-il pas mieux travailler ensemble, dit Christine. Ah oui, ne vaudrait-il pas mieux travailler ensemble? Je t'ai déjà dit 20 fois, non. Paul, j'ai une proposition à te faire. Je m'en doutais. Allez, vas-y. 3 millions, ça t'intéresse? Ancien franc? Mais non, pas. Nouveau ? Je crois que j'y réfléchisse. Je suis même prêt à marchander. Oui, il est parvenu chercher à son oubli. Hein. C'est de moi que tu parles ? Non. Tes deux acheteurs que tu m'as cachés depuis une semaine. Je suis sûr qu'ils ont fait une offre importante pour le nom de Wagner. Si j'acceptais, ce serait 5 millions, Christine chérie. Alors c'est oui ? Non, je t'ai dit que je voulais réfléchir. Parfait, rien de presse. Tu viens, ma petite sauterie ? Tes deux clients seront là. C'est pour eux que je l'organise. Si l'affaire se fait, Chris aura son yacht. Ah, le yacht de Chris. Alors, Chris est rentré à ce moment-là. Il faut dire aussi ce qu'on n'a pas dit, que Chris est complètement obsédé par les bateaux. Et on le voit aussi dans le film. Il est tout le temps avec des bateaux et il n'a qu'une idée, c'est que cette fille vende le château et lui offre son yacht. Le yacht de Chris, d'accord, j'y serai. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on voit le champagne flirter avec le cola. Parce que ces gens sont aussi des fabricants de Coca-Cola qui s'appellent pour les besoins du film Viva Cola. Oui. Les deux acheteurs américains. Oui. C'est le cola pour le Gotha. Ils disaient dans une première version, on a coupé cette définition qui était jolie, mais enfin, tu t'es perdu du temps. Là vient une scène dans la maison de Belling, où Christine, pensant que l'affaire va se faire, est folle de joie. Elle fait la petite file, elle s'habille, elle se fait des machins. Elle frappe à la porte, enfin, elle frappe à la porte de son mari, qui est dans il faut décrire le décor. Il est dans une pièce, une espèce de grande pièce, où il y a une espèce de colimaçon à l'intérieur. Il est à l'intérieur du colimaçon, il est en train d'arranger des trucs pour un petit bateau miniature. Et tout autour, il y a une espèce de mer dessinée et des maquettes de bateaux. Tout autour de la pièce, qui est très grande. Et elle frappe à la porte en l'appelant Chris, et lui, il va très très lentement, mais très très très très très lentement, vraiment sans se presser, et elle appuie comme ça. C'est-à-dire, c'est la situation inversée. Et quand il arrive même à la porte où il a fermé le verrou, enfin, il attend qu'elle l'appelle encore une fois avant d'ouvrir le verrou. Mais ce qui me semble toujours être chez vous, hein, des rapports d'adolescents, et il se conduit comme un garçon de 17 ans qui est enfermé chez lui, et sa mère vient dîner. Ça, on pense à ça. Le gosse qui est enfermé chez lui, le gosse d'adolescent. Mais il a des rapports avec cette femme qui sont des rapports de... C'est un homme enfant. Enfin, oui, mais en même temps, c'est raison des rapports complètement... Imaginez, c'est qu'elle se conduit comme une femme de 60 ans et lui comme un type de 20. C'est-à-dire, c'est un... On apprend plus tard que Christopher était gigolo au Carlton, je ne sais où, enfin au Carlton quelque part, enfin, un Carlton quelconque, et qu'il avait des vieilles grombières tout le temps. Enfin. Il en rencontre une d'ailleurs dans la soirée. Et en fait, leur rapport, bien que ce soit deux êtres jeunes et beaux, sont des rapports de vieilles grombières à jeune Godelieu, quoi. Enfin, c'est ces rapports-là. C'est le Godelieu. Oui. Chérie, je crois que l'affaire est dans le sac. Tant mieux pour toi. Elle continue à lui faire des papouilles. Désolé, je suis mal fichu. Fatigué. C'est toujours comme ça quand on me prive de télé. Il fout le camp, il va s'enfermer. Alors à partir de ce moment-là, c'est la soirée de laquelle on a parlé précédemment. Il y a là 200 personnes, dont les deux acheteurs, bien entendu. 200. Dont un vieux général et un évêque. Qui adore les jeunes Américains. Qui adore les jeunes Américains, mais ça, ça n'est que suggéré. Bah, on le dit. Hein. C'est une séquence qui est difficile de lire et difficile d'expliquer. Mais enfin, en la résumant, succinctement, il se passe dans un certain nombre de choses qui donnent des indications sur les personnages. D'abord, là, on apprend, enfin, par une dame, une de ces vieilles rombières, comme Claude les appelait tout à l'heure, que Chris, en réalité, s'appelle Jackie, était probablement barman dans un grand hôtel, qu'il a été levé par cette dame et qu'elle l'a emmené dans les îles grecques. Bien entendu, Chris ne reconnaît pas ça et fait passer cette dame pour une fantaisiste. Oui, mais elle lui montre sa montre. Elle lui montre sa montre, oui, ça fait aucun doute. La deuxième chose importante qui se passe là-dedans, c'est le comportement de Paul, qui commence à se conduire d'une manière un petit peu, disons, bizarre. C'est-à-dire qu'il embrasse l'acheteur américain sur le front, il fait peur aux gens, il se comporte un petit peu comme un chien dans un garde-manger. Un autre détail qui est important, c'est que Christopher, qui a l'air vraiment coureur, ne peut pas s'empêcher d'amener la secrétaire à l'écart pour lui faire des papouilles. C'est ça, il y a cette Jackie, une vieille fille comme tout, qui l'entraîne derrière. Il lui dit même, t'es pas si mal que ça. Oui, il lui dit, t'es pas si mal que ça, il l'embrasse, elle lui dit Chris. Chris, ah oui. Et il lui répond, non, monsieur Belling. Oui. Et c'est très décalé, hein, d'ailleurs. Il y a une espèce de ralenti, comme si c'était vu à travers le cerveau d'un homme fatigué. Et on se demande si c'est vu à travers les yeux d'un fou qui serait Paul. Tout le film. L'état dans cette séquence qui est utile pour la suite des événements, c'est que la fameuse Evelyne, là, dont on parlait, se révèle digne de sa réputation. Elle s'amène les seins quasiment à l'air et fait à Paul un rentre-dedans comme... Évident, vraiment, quelque chose d'absolument absolument inimaginable. Enfin. Et elle l'invite du reste à une soirée qui a lieu un petit peu plus tard. Et cette séquence se termine par une explosion, en l'occurrence l'explosion de bouchons de champagne malveillant, puisque c'est Paul qui a tout arrangé et il a amené une énorme bouteille de... Ça s'appelle un Jéroboam. Ah non, c'est plus un Jéroboam. Et que il a mis du Coca-Cola chaud dedans, il a fait bouillir le tout et les invités sont complètement aspergés par du Coca-Cola bouillant. Et on retrouve Paul, on retrouve Christophe et Paul dans le parc et ils en sont à commenter l'attitude un peu farfelue de Paul. C'est dégoûtant d'avoir fait ça. Pourquoi ça a animé la soirée? Je me fous de la soirée, mais j'ai plus qu'une chance de partir pour Hambourg maintenant. Christine ne voudra pas en entendre parler. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Réfléchis pour une fois. Tes chances de venir avec moi sont plus grandes que jamais. Tu parles, elle sera précisément d'humeur à me faire des petits cadeaux. C'est pour toi que j'ai fait ça. Et si je me mets à faire des bêtises dans ce genre-là, elle aura besoin de quelqu'un pour me surveiller. Quelqu'un pour me remettre dans le droit chemin. Quelqu'un qui aurait sur moi une sage influence. Oui, mais qu'est-ce qui te fait croire que ce quelqu'un pourrait être moi? Ah, ben ça, c'est à toi de la persuader. Tu dois la convaincre que tu as pris ses intérêts à cœur. Mais c'est vrai. Aussi longtemps que ce sont les mêmes que les miens. Qu'est-ce que tu avais mis dans cette bouteille? Du Viva Cola, chaud. Ils rigolent ensemble. Alors là-dessus, il y a une séquence qui faut peut-être mieux résumer, où Christopher va voir Christine et, fort des conseils de son copain Paul, réussit effectivement à obtenir la possibilité d'aller à Hambourg. Enfin, non sans lui avoir soutiré de l'argent de deux façons différentes. D'abord en lui piquant un petit peu de sous dans son sac, et ensuite en se faisant payer le voyage, parce qu'il dit qu'il ne peut pas se permettre un voyage pareil en ce moment, et que c'est elle qui paiera les frais. Ensuite, il y a une longue scène au port de Hambourg, entre Christopher et Paul. Alors, cette scène a été tournée véritablement à Hambourg? Ah oui. C'est un grand film français tourné sur place, comme... entièrement fait sur les lieux d'action. Après, il y a une scène... On voit Paul dans l'exercice ses fonctions. C'est-à-dire en représentant les marchands de champagne. Le but, son voyage à Hambourg. Ça aussi, ça doit être tourné dans un décor véritable, non ? Oui, c'est vrai. Oui. Comme acteur, on a pris évidemment des Allemands comme ça, qu'on a assez triés. D'ailleurs, il y en avait. Ils en avaient amené 30, j'en ai pris que 18. Enfin, c'était la production américaine. Ça, ce sont des Allemands, tous PDG. Enfin, c'est des PDG, oui. PDG. Ça fait assez PDG. Ça fait très PDG. Ouais. Et comme Paul s'ennuie, dans son discours de remerciement au toast que portent tous ces gens, il fait sa santé, il prononce un discours. Oui, il dit. Comme un discours politique. Oui, qui est un peu une parodie de discours politique. Monsieur le Président, vos souhaits répondent aux miens. Je sais que je parle en notre nom à tous, en disant que mon désir le plus profond est que jamais, plus jamais, le champagne ne cesse de couler entre nos deux pays, nos deux beaux pays, nos deux grands pays, par la faute de petites dissensions ridicules. Je bois à l'amitié. Alors, il boit, et le champagne, comme il n'aime pas ça, il l'a déjà dit. Fait une grimace. Il dit qu'il avait mis des années à découvrir qu'il n'aimait pas le champagne. Et on se retrouve, là où ils avaient dit, quand ils s'invitaient sur le port de Hambourg, on se retrouve dans une boîte de nuit. Alors, la boîte de nuit. Oui. Vous savez que tous les producteurs sont obsédés sexuels, c'est bien connu. Et le producteur français de la chose, je sais que les Américains sont plutôt prudes, là, ils disaient, il y a une boîte extraordinaire où il y a des bonnes femmes à poil sur des chevaux. C'est pas très extraordinaire. Je trouvais pas ça tellement formidable. Et alors, comme il tenait ses chevaux et ses trucs, alors on a construit en studio un décor complètement stylisé, où rien n'est le moins du monde cochon. Il y a un striptease qui est le plus pudique qu'on puisse imaginer. Uniquement pour surtout, ça. Surtout, ce qui se dégage de cette boîte, c'est une profonde tristesse. Et là encore, Paul a un comportement un peu bizarre qui laisse penser. Il fait le crétin au milieu. Alors là, je crois qu'il faut dire comme chose importante, c'est que Paul et Christophe donc ramassent deux filles. C'est ça. Et qu'il y en a une qui est déjà là quand Paul arrive. C'est ça. Il y en a une qui est déjà là, qui est une blonde. Là, On fait venir une autre entraîneuse, vêtue de bleu, qui va partager la soirée de Christophe, de cette dame, entraîneuse, et de Paul. Et on les retrouve dans les rues, après avoir fait les fous et bu beaucoup, on les retrouve dans les rues de Hambourg, en voiture, une voiture conduite par Paul, qui n'est pas la même que la voiture du début, qui est une Mercedes blanche. Et ils ont ivre mort tous les quatre, et Paul peut-être un peu plus que les autres, et à tel point qu'ils ont même un petit accident de voiture. Puis ils arrêtent la voiture au bord du fleuve, et à ce moment-là, cette dame blonde et Christopher décident de rentrer à l'hôtel, décident de les larguer, et Paul et cette demoiselle blonde, vêtue de bleu celle-ci, marchent le long de la rive, les vents s'installent. Elle est vêtue de bleu, mais alors, arrivée du rouge, elle a des chaussures rouges, et un sac rouge. Et il se retrouve près d'un arbre. Paul est ivre mort. Il a une espèce de discours, un autre, qui lui vient comme ça. Les chaussures sont à l'origine du malheur des hommes. Outragés, les pieds sont mis à transpirer en guise de protestation. Et la pourriture s'est installée. Il enlève ses godasses. Il enlève ses godasses en faisant enlever ses chaussures à la petite et en décrétant de manière impérieuse qu'il avait horreur des arbres. Et la fille qui ne comprend pas, s'imagine, elle dit « Ah oui, c'est très joli. » Cette fille aussi, on a oublié de dire que cette fille s'appelle Paula. Ah oui, c'est très important. Il y a Christine et Christopher. Et là, la fille s'appelle Paula. Ah oui, Paul et Paula, Christophe et Christine. C'est rigolo. Tout ça est compliqué. C'est drôle, c'est qu'il y a Jackie et Jacqueline aussi. Jackie, c'est le nom de Christopher quand il était au Carlton, quand il était barman. Et la Jacqueline, c'est la secrétaire. Oui. Ah oui, très bien. Il est évident à l'image que Paul, ce qui n'est pas tellement évident dans le dialogue, mais Paul est vraiment ivre mort. Il s'endort au pied de cet arbre. Bon, alors là, je te laisse expliquer parce qu'il y a un silence. Paul s'est arrêté et inspecte les alentours. Paula s'assied par terre, puis s'allonge langoureusement dans l'herbe. Devant eux, une barque plate se balance mollement dans l'eau avec un petit clapotis. Paul s'assied à côté de la jeune femme. Il la frôle d'un air absent, puis prend un peu plus conscience de sa présence. Il s'étend à ses côtés. Paula lui sourit provocante. Il ferme les yeux. Pendant quelques instants, il le regarde avec affection. C'est beaucoup plus long, en fait, dans le film. C'est-à-dire, j'ai voulu faire une chose... C'est un espèce de flirt à l'anglaise, oui, c'est sous ça. Les ordres d'un parc. C'est ça, absolument. Mmh. Elle enlève un bas, en plus. Elle enlève un bas. Et j'ai demandé que l'éclairage de sa jambe... Elle avait la peau très blanche, la fille. J'ai voulu que ça soit vraiment effrayant, cette espèce de peau blanche, comme une peau de cadavre, là, qui apparaît. Et lui met ses chaussures dans la flotte... et il essaie vaguement de se soulever vers elle, et puis il s'écroule épouvantable. Alors on entend le cri d'un oiseau qui est semblable à celui de la première scène du film. On entend un cri d'oiseau. Bon. Paul, c'est vrai. Mais avant, il y a ces... Tout d'un coup, l'écran est rouge. Ah oui, c'est ça. Il est rouge, on s'aperçoit que c'est le sac et les chaussures de la fille. Bon. Il réveille Paul qui découvre qu'il est seul allongé au bord de l'eau. Il se lève, regarde autour de lui, se demande où il est, il a une gueule de bois terrible. Bon, il s'en va, il passe une main sur le visage comme pour s'éclaircir les idées. Puis il s'éloigne en direction de la ville. Quand elle a disparu, nous approchons de la barque. Paula y est étendue, morte étranglée, sa jupe est retroussée sur ses cuisses. Le bas noir de la boîte de nuit, il lui en serre le cou, ça n'est pas vrai. Elle a enlevé un de ses bas, par conséquent, elle a un bas. Elle a une jambe noire et une jambe très blanche. Après, donc, il y a une scène... Paul revient à l'hôtel. La blonde est dans le lit de Christophe. Tu ne connais toujours pas le nom. C'est ça. Cette blonde qu'il a embarquée. Il y a comme une chose, c'est qu'on a trouvé une légère ressemblance déjà quand même entre cette blonde et la secrétaire. Sans blague. Je pense que le spectateur aura senti une légère ressemblance, non? Je ne crois pas. Non, on ne la sent pas. Je ne crois pas. Bon. Alors, il y a une scène qui est très importante, qui est une scène entre Christophe et sa femme, au retour de Hambourg. Ils sont en train de prendre un petit déjeuner. La secrétaire, cette pauvre Jacqueline, emmène un paquet de lettres, enfin, qui sont les lettres du matin, et parmi ces lettres, il y a une lettre anonyme, qui est un extrait de journal allemand, qu'elle tend à Christine, enfin qu'elle tend parmi les autres à Christine, et sur laquelle il y a marqué qu'une jeune prostituée hambourgeoise a été tuée et qu'on soupçonne fort son dernier client d'avoir été son assassin. Et là-dessus, Christine interroge Christophe, qui finit par lui dire qu'effectivement il a connu cette fille, et qu'il l'a connue à Hambourg, et qu'elle est partie avec Paul, et que, bref, hein, il mange le morceau. Et Christine, tout en cachant lui sa propre vie privée. Tout en cachant lui sa propre vie privée. Bon. À ce moment-là, Christine, folle de joie, dit « Oh, oh, oh, cette affaire me paraît charmante », et elle se décide à aller voir... Paul dans son bungalow avec cette lettre anonyme pour voir ce qu'elle peut en tirer. C'est ça. Un petit chantage sur Paul. Un petit chantage sur Paul. Est-ce qu'on lit la scène dans le bungalow? Peut-être. Oh, mais quelle surprise! J'espère que nous étions brouillés. Qu'est-ce qui a pu te faire croire ça? Alors, je me suis donné tout ce mal pour rien. Fais rien. Je trouverai bien autre chose. Tu sembles déjà. Tu as déjà pas mal commencé, tu sais. Ah oui? Eh oui. Hambourg, c'est pas mal. Même pas beaucoup les mystères, hein, surtout le matin, Jean. Même pas en allemand. Alors, elle sort la coupure du journal. Ah, mais ça a l'air d'une jolie fille. Il est vrai que les photos de journaux sont souvent trompeuses. Qu'est-ce que tu racontes? Elle lui montre la coupure du journal. Qu'est-ce que ça dit? Oh, pardon, j'oubliais que tu n'étais pas doué pour les langues. Eh bien, on a découvert cette jeune femme au petit matin. Quelqu'un l'avait étranglée avec un bas noir. Et ce quelqu'un avait apparemment passé la nuit avec elle. As-tu trouvé cette coupure du journal? D'un ami qui nous veut du bien, mais qui a préféré garder l'anonymat, enfin pour le moment. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Chris? Ben, tout, bien entendu, tu sais bien que je suis sa femme. Chris, évidemment, l'avait demandé de ne rien dire. Oui, Or, si j'étais la police, ça m'intéresserait beaucoup de savoir que le dernier client de Fräulein Paula a subi 17 électrochocs à la suite d'un incident où une femme a été étranglée. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le raconter tout de suite? Ben, je me le demande. Oh, c'est parce que nous avons trop d'affection pour toi, Christophe et moi. Et puis, de toute façon, certaines choses ne doivent pas sortir de la famille, tu crois pas? Et puis, je crois que un service en vaut un autre. Ah, j'ai compris. Tu te tairas dans la mesure où j'accepterai de signer. Ça me paraît raisonnable, non, donnant, donnant. Là, bon. Paul lui jette un regard qui en dit long sur ses intentions. Oui, bon, en tout cas, réfléchis, rien ne presse. Je rentre, Chris déteste qu'on interrompe le petit déjeuner. Et elle s'en va. Alors pendant ce temps-là, il y a le café j'ai fait bouillir un Kona. Qui correspond. Enfin, quand le Kona boue, c'est le moment où sa tête boue. Ensuite, il souffle dessus, alors ça s'adoucit. Les bruits s'adoucissent, ça devient plus qu'un petit peu. Une espèce d'énorme cornu. Comme ça, une espèce de cornu, une espèce d'alambic, qui est juste derrière sa tête d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment le moment où Paul bascule. C'est-à-dire que Paul, là, se demande s'il a assassiné cette prostituée. Exactement. Exactement. S'il est un malade. Oui. Il a déjà tendance à le croire, et comme il boit quand même pas mal. Alors là, plutôt que de mettre du rouge, j'ai mis du rose. C'est-à-dire que au moment où, immédiatement après qu'il soit caché derrière son alambic, l'écran est envahi de rose et on s'aperçoit que ce sont des fleurs enfin, qui finissent par devenir nettes. Et on voit la voiture de Paul qui fout le camp. Et Christophe observe la voiture de Paul qui s'en va, se retourne et sourit. Là-dessus, on s'aperçoit de l'endroit où va Paul. Il va voir Denise, qui était la fille du début, qui était sa petite amie, quoi, comme ça, et qui tient un magasin de jouets. Comme c'est finalement le seul personnage à peu près sain de toute cette histoire, et il va lui demander si. Enfin, il va lui faire part de ses inquiétudes en lui disant que. En lui demandant si elle croit qu'il est capable de faire des choses anormales. Et le sens de la chose, c'est que la santé est incapable de comprendre la folie. C'est pourquoi les psychiatres sont fous, c'est pour ça qu'ils comprennent La santé est incapable de comprendre la folie, elle ne comprend absolument pas les problèmes de ce type. Elle est, il faut bien le dire, odieuse au cours de cette scène, enfin elle est stupide. C'est une scène complètement en porte-à-faux. Ouais, lui essaye de se raccrocher aux branches et où elle ne. Alors pour si monter, on peut faire un rapprochement en sautant d'un film à l'autre, car vous savez bien que le spectateur a une mémoire de film, et tout d'un coup on se retrouve un peu dans le feu follet. Oui, c'est vrai, oui. Disons que c'est un peu une situation cousine germaine. La scène suivante, il se retrouve dans un endroit qui n'est pas déterminé, qui est une. Il semble que c'est une espèce d'hôtel où il y a un bar. Voilà, on pourrait peut-être donner cette scène entre Paul et Christophe au bar. Un scotch double. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'en veux? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me doutais que tu viendrais ici. Il m'a forcé de lui dire, tu sais, elle m'a tiré les verres du nez, elle est douée pour ça. Au fond, quelle importance? Aucune importance. Personne ne peut rien prouver. Non, enfin, je veux dire, elle l'aurait appris tôt ou tard. Maintenant, Christine ne dira rien. Laisse-moi faire. Je suis resté dans les parages. Non. Non, j'ai envie de dormir. Écoute, tu n'as pas l'air bien. Je ne veux pas te laisser comme ça. Nous irons ensuite à la sauterie d'Evelyne. J'ai pas du tout envie d'aller à la soirée d'Evelyne. Je ne veux pas te laisser tout seul. Non, il reboit encore. Je vais te faire une proposition. Je te laisse dormir et ensuite tu viens tout à l'heure chez Evelyne. Tu commences à parler comme ta femme. D'accord. Non. Ensuite, nous arrivons alors à cette fameuse soirée chez Evelyne. Cette Evelyne que nous avons aperçue déjà sain presque dehors à la soirée chez Paul. C'est la soirée assez typique d'une artiste cosmopolite à Paris. C'est une sotte. Ouais. Terrible, c'est une imbécile. Qui fait de la sculpture d'avant-garde. C'est ça, oui. Elle sculpte dans du polystyrène. Avec un rasoir. Est-ce qu'il y a là, volontairement ou non, dans cette séquence, un pastiche de certaines scènes d'Antonioni ou de films comme ça? Un peu, oui. Enfin, il y avait une scène que j'avais trouvée assommante, d'ennui et de sophistication bébête, c'est la scène où Mastroianni rencontre Monica Vitti dans la nuit. C'est d'une fausseté tellement extraordinaire que j'ai essayé de faire la même chose en tellement faux que ça devenait vrai. Je veux dire que cette soirée est plus vraie qu'une soirée d'Antonioni, quand même. Alors qu'elle est complètement délirante, en fait. C'est de l'Antonioni traité par Fellini, enfin, si on voulait... Oui, je suis plus proche de Fellini que d'Antonioni. On peut dire que sans faire... Enfin, en oubliant le côté parodique, qui est quand même un clin d'œil, C'est aussi le moment où le film devient fou, c'est-à-dire c'est où ça, le film épouse la folie. Oui, puisqu'on n'est même plus sûr que les apparitions soient réelles ou fausses. C'est ça, on ne sait plus à ce moment-là si c'est Paul qui est en train de rêver une soirée ou si cette soirée a lieu vraiment. Paul entre dans un immense vestibule faiblement éclairé. Quelques rayons de lumière révèlent un nombre impressionnant de statues, de bustes, de tapisseries médiévales, de plantes vertes et de tableaux. Des oiseaux dorment dans une énorme cage. On a interprété tout ça. Je veux dire qu'on a fait un peu autre chose. On entend un vague bruit venant du premier étage. Bon, Paul jette sur tout cela un regard indifférent et commence à gravir un escalier de marbre. Le bruit, qui était presque imperceptible, augmente au fur et à mesure de son ascension. On perçoit de vagues conversations, des rires, puis un profond silence, suivi d'un cri strident, quelques mesures jouent au piano, etc. Une porte claque en se fermant, on entend des talons de femmes résonner sur un sol dallé. Le bruit réveille les oiseaux qui se mettent à pépier d'une façon assourdissante. Bientôt, une femme quelque peu échevelée paraît en haut de l'escalier. Elle descend précipitamment, visiblement ivre, et manque de s'effondrer à chaque marche. En passant devant Paul, elle dit « Vous arrivez trop tard, tout le monde dort. » En fait, effectivement, ce n'est pas ça. Il n'y a absolument aucun bruit, simplement la musique. Et il y a un silence et les gens sont presque figés. La caméra avance parmi des couples vautrés. Toute cette scène doit avoir un caractère hallucinatoire. Des visages apparaissent et disparaissent, irréels et parfois terrifiants. Tout évoque la lassitude qui succède à une soirée agitée. On a beaucoup bu, dansé, fait l'amour, à présent la fièvre est tombée. Il y a quelques jeunes anglaises qui ont atteint le stade de l'incohérence, des filles fleurent à la Botticelli, qui maintenant sont vautrées dans des postures indécentes, dans des fauteuils. Il y a des esthètes de la côte californienne, vêtues de blue jeans, quelques aristocrates décadents et un ou deux noirs pittoresques. Il y a aussi un metteur en scène de cinéma roumain, obèse, qui sur un réchaud prépare des spaghettis que personne n'aura le courage d'avaler. Paul tourne son regard vers lui, il remet immédiatement, lui fournit une explication. Les séquerrer, c'est de ne pas les égoutter, c'est les ramollir. En signe d'assentiment, Paul fait entendre un grondement et passe son chemin. Il tombe sur un groupe, une chanteuse, jeune femme entourée par plusieurs beaux jeunes gens, elle leur explique « Tout à coup, on est dans la liste des 10 meilleurs disques, et à partir de là, où va-t-on ? On dégringole, c'est mathématique. » Un journaliste très exalté proclame « La Chine n'a rien à voir avec ça, ce sont les gens du pétrole qui sont cause de tout. » Alors, j'avais marqué « Ils rotent ». C'est trop facile de tout mettre sur le dos du parti. En fait, c'est son interlocuteur qui rote. Si vous voulez, ça fait « La Chine n'a rien à voir avec ça. Ce sont les gens du pétrole qui sont cause de tout. Etc. » Quelques peintres de la nouvelle école s'efforcent sans entrain de les habiller de starlets sous le regard vide d'énormes statues d'hommes nus. Ça n'est pas fait. Il y a une grosse dame qui vient ici à danser mais qui ne trouve pas de partenaire. Ça n'est pas fait parce que j'avais trouvé une grosse dame, elle ne savait pas danser. Les bras étendus, elle esquisse quelques pas pleins de lassitude, une valse viennoise, ça je vois bien, mais le faire, mais enfin. Il y a un vieux pédéraste américain, qui n'est pas, avec son petit ami, coiffé à la bite, ça, nous avons respecté, là. Et le pédéraste américain dit, vous ne vous rendez pas compte, et brusquement, vous apercevez que le prix d'un kilo d'asperges a littéralement doublé. Soudain, Christophe jaillit dans ne sait où, et plante un verre dans la main de Paul, et dit, bravo, tu es venu, je suis sur un coup fumant. En fait, c'est très inquiétant, parce qu'il est juste derrière une toile, il y a un tableau, ça. Et il passe entre le tableau et le mur, et on ne voit que la moitié du visage. C'est ça, je suis sur un coup fumant, ne me pose pas de questions, je dis pas de blague, là, tout à l'heure. Mais alors là, on ne comprend plus, et on se demande si Christophe n'est pas en train d'entraîner Paul dans un guet-apens, en lui disant de venir à cette soirée, et s'il n'est pas là pour le guetter pour quelque chose. Mais tous les tournants du film, un peu, comme c'est un film fait sur la folie et par les fous. Oui. Un peu plus loin, dans une autre partie de l'atelier, Evelyne est devant un miroir, elle est entourée par ses admirateurs qui la regardent travailler. J'y suis pris les admirateurs. Elle aide un bâton de rouge à lèvres, ça c'est exact. Evelyne dessine sur le miroir ce qu'on imagine devrait être son propre portrait, mais finalement se rend compte que c'est une tête de mort que la jeune femme a dessinée sur le reflet de son propre visage. Elle est en train d'apposer sa signature au bas de cette œuvre quand elle voit entrer Paul, et à ce moment-là, elle se précipite vers lui en fait. Elle lui dit « Chérie, tu as fini par venir, merveilleux. » Alors, traverse toute la pièce en s'embrassant comme ça, et trop lentement et en tournant, enfin, c'est pour donner une impression un peu bizarre. Il faut dire que sur toute cette scène, Paul a un regard complètement absent. Oui, c'est ça. On peut pas tellement dire la chose, raconter la chose, parce que il y a un décalage complet entre Paul et ça. Elle, à tel point qu'elle finit par lui mordre la cuisse pour l'obliger à faire ça attention. Et lui a une réaction vraiment, il fait complètement, complètement abruti. Et à ce moment-là, Paul, qui jette un regard sur le côté, aperçoit avec stupéfaction la fille blonde qu'il avait vue à Hambourg, qui était avec l'entraîneuse, pas celle qui l'a tué, enfin pas celle qui a été tuée, celle qui était avec Chris, oui, mais celle qui était avec Chris, qui est en train de rire avec un type et qui tourne le visage vers lui, qui cesse de rire et qui s'en va avec un barbu. Je la connais, je sais que je l'ai vue récemment. Je ne sais pas où. C'est une espèce d'actrice, tu vois, genre les petits théâtres. Non, non, non, je la connais, je la connais. Bon, c'est bon, tu la connais, tout le monde connaît quelqu'un. Il y a quelque chose en elle que je déteste, que je hais. Qu'est-ce qui te prend? Ah, je sais où c'était, c'était... Quelle importance, hein? Laisse-moi tranquille. Allons, allons. Alors, à ce moment-là, c'est ça. Il voit Christine qui dit « Quelqu'un a vu mon mari ?» Et le type dit « Je viens de le voir à l'instant, il est parti là-bas. » Où est-ce que vous dénichez toutes ces créatures? Sous les pierres, elles sortent la nuit. Prends un verre. Fiche-moi la paix. À vrai dire, elle lui dit... Elle lui donne la bouteille. Elle lui dit « Bois », car elle lui donne la bouteille. La bouteille. Et lui, il boit. Et quand il a bu, il fout en l'air la bouteille, et il s'élance à l'étage au-dessous, et là, il se met à hurler comme un possédé. Paul fait demi-tour pour aller comme j'ai souhaité, qui est un lieu où semblent apparaître des visages familiers et importants, mais le vieux pédéraste américain, attiré par les éclats de voix, se dresse devant lui. Notre invité, tiré de leur léthargie par le bruit, observe la scène dans l'attente d'une altercation. Le pédéraste, vous n'êtes pas très poli. Vous voulez un coup de pied au cul? Ça dépend. Pof, il lui flanque un coup de pied derrière. Il lui flanque un coup de pied derrière. Et l'autre lui dit, vous avez des amis très dépravés. Il entend vaguement, enfin... Pendant ce temps-là, le metteur en scène, Romain, il a besoin de manger, c'est tout. Il lui tombe des brochettes. Laissez-moi tranquille. Il y a des filles qui sont complètement déguisées avec des lèvres vertes, qui sont en état de décomposition avancée, qui appellent Pépino, avec moi Pépino, c'est un monstre. Enfin, des hurlements, quoi. Et. Écartez-vous tous. Evelyne est seule avec Paul, quoi. Elle est seule avec Paul et elle veut le sculpter dans du polyester. Dans du polystyrène, oui. Et elle veut... Elle lui demande de prendre des attitudes, des positions, etc. Ouais. Et il éclate de rire. Pour la troisième fois dans le film, du coup, c'est un film en trois éclats de rire. Et elle... Il éclate de rire en se moquant d'elle. Ouais. Et en lui disant qu'elle est ridicule, que tout ça ne veut rien dire, que c'est une énorme farce. Et elle le traite... Oui, elle lui dit, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une imitation. Une imitation d'homme. Et lui n'est pas content, bien entendu, il se précipite vers elle. Et là, il y a un truc que j'aime bien, enfin que je trouve réussi dans le film, c'est qu'il la prend vraiment comme si c'était une bonne femme de bas étage. Et il remonte ses mains et elle a peur. Alors elle le repousse et lui redevient sous, tombe dans un trou, se redresse, va prendre un verre, s'amuse avec des bougies, broboie, et puis va se diriger vers elle. Elle a de nouveau peur, parce que, et il s'écroule, livre mort. Donc cette scène qui se termine finalement par la chute de Paul dans l'inconscience, oui. Et qui est très importante, puisque c'est la seconde fois qu'il tombe dans l'inconscience, puisque oui. Déjà avec l'entraîneuse de Hambourg, ça, oui. Il s'est écroulé, livre mort. Et évidemment, là, le spectateur a exactement la même réaction. Il se dit, tiens, il est tombé ivre-mort, inconscient, en bourre, il s'est retrouvé avec un cadavre. Qu'est-ce qui va se passer? Il se retrouve avec le cadavre d'Evelyne, bien entendu. Exactement. Et une tache rouge, comme tu as pu le remarquer, qui était... Une tache rouge. Une tache rouge qui a l'air complètement inutile, puisque c'est une toile blanche sur laquelle, manifestement, on a renversé un pot de peinture rouge. C'est ça, ouais. Ou du vin rouge, ou je ne sais vin, pas. Oui. Du sang. Du sang, c'est pas... Il y a du rouge. C'est ça. Pas du sang, parce qu'elle est étranglée. Oui, elle est encore étranglée avec un bain noir, on la prend par la suite. C'est ça. Là-dessus, Paul s'enfuit. Il y a la scène la plus importante du film, où il rentre chez lui, il pèle une pomme. Mais alors avant, je vois qu'il y avait toute une scène qui est supprimée, c'est la séquence 24. Oui, on peut pas la lire, ça, parce qu'elle est amusante. Oui. J'aime bien cette séquence, Maurice René. La chaleur d'août est humide et accablante. Mais Paul n'a même pas pensé à baisser les glaces de ses portières de voiture. Ruisselant de sueur, engourdi par la radio qui braille à tue-tête, il se dirige vers Reims, tel un robot. Tout à coup, il aperçoit devant lui, sur la longue ligne droite, un lapin. Il freine, à mort, et la voiture s'arrête à quelques pas d'animal terrifié, qui se faufile dans une haie. Paul descend de voiture, fait quelques pas, allume une cigarette, la jette, poursuit sa route, observe les chevaux qui se poursuivent dans un pré voisin, prête l'oreille un instant au bruit des grillons, remarque la lente progression et la traînée de bave laissée par un escargot, se fouille pour chercher une autre cigarette, découvre que son paquet est vide, le froisse et le jette dans un fossé, puis revient sur ses pas pour retrouver le mégot qu'il a acheté, le ramasse et fiévreusement le rallume. Finalement, il remonte dans sa voiture et repart lentement. Il jette sa cigarette. Alors, la séquence qu'on a tournée, c'était pas ça, mais elle était mieux que ça. Pourquoi ? Parce qu'il allait... Parce qu'il n'y avait rien. Il a regardé avancer les escargots, uniquement. Et je ne l'ai pas gardée pour une raison très simple, c'est qu'elle faisait... Doublon dramatique. Faisait doublon dramatique avec la séquence suivante. Et la séquence suivante était plus importante, enfin. La scène suivante est très simple, il va se supprimer. Il va se supprimer complètement. Il rentre... alors là, c'est... Paul arrive aussi, peut-être. Paul arrive chez lui vers le milieu de l'après-midi, il s'enferme et clôt tous les volets. Il erre dans la maison quelques instants, puis se met à peler une pomme avec un soin méticuleux, comme si le fait de ne pas couper la pomme avait pris pour lui un sens hautement symbolique et d'une grande valeur. Paul mange la pomme, puis se met à caresser son gros chien. Pendant très longtemps, il continue à caresser l'animal. De l'extérieur lui parviennent des accords d'une vague musique dont nous comprenons qu'elle émane de la radio de la voiture. Il est déjà en train de sombrer dans les profondeurs de l'enfer. Oui, alors... Alors là, oui. Alors, je ne vais pas tourner comme ça. J'ai d'abord commencé à le montrer arrivant devant chez lui, en faisant, avec sa voiture, une marche arrière. Puis je l'ai laissé à son volant pendant un certain nombre de secondes, avec un très léger travelling avant. Au moment où il sort de la voiture, j'ai arrêté le travelling avant, il y avait une petite musique que j'ai arrêtée également. Bon. Pendant qu'il est en train de se rapprocher de la caméra, j'ai fait un très léger mouvement de montée pour l'écraser un tout petit peu déjà, pour commencer à l'écraser un tout petit peu. Et puis, il reste là comme de rond de flanc, et il regarde brusquement sur le côté, et on se retrouve à l'intérieur. D'un seul coup, il regarde également sur le côté, et il ferme les rideaux. Il fait un trajet complètement bizarre. Enfin, il enlève sa veste, et il passe derrière un homme, puis il passe à l'intérieur de sa cuisine, qui est une kitchenette, quoi. Et il ferme complètement sa kitchenette, qui a des vénitiennes. À ce moment-là, il y a une vague ombre qui se profile, qui est lui, enfin, et il sort avec... un couteau avec une pomme plantée dedans. Il reste contre un mur pendant quelques secondes, puis il essaie de passer par la vénitienne qui est fermée, puis il va errer un petit peu à côté, dans un endroit qui est sans issue, puisqu'il y a une table, des meubles, enfin des choses comme ça, et il revient, il s'assoit, il commence à vouloir peler sa pomme, il voit sa voiture, la petite voiture qui est sur le... Il envoie la voiture en l'air, et puis il regarde quelque chose qu'on ne voit pas, nous, et il s'approche. À ce moment-là, on s'aperçoit que c'était un vase. Il s'assoit près du vase, et il se met à peler la pomme en cercle. À ce moment-là, la caméra s'élève légèrement, enfin s'élève jusqu'à la fin. On s'aperçoit qu'il y a d'autres cercles qui l'entourent, qui sont ceux du 8 du machin, et tous les objets sont ronds. C'est-à-dire qu'il y a l'épluchure de la pomme, il y a un fauteuil rond derrière, il y a le trou du... En fait, tout est rond. C'est, en fait, dans mon esprit, c'était le début de notion d'utérus. C'est-à-dire qu'il commence à vouloir devenir fœtus, et toutes les choses sont rondes comme ça. C'est le début d'une schizophrénie où le personnage s'enferme dans son cercle et ne veut pas être touché par la réalité. Voilà. Parce qu'il est persuadé à ce moment-là d'avoir commis un crime. Absolument, oui. Et il pleure en plan sa pomme. Enfin, il renifle très, très salement, enfin, comme ça. Et ça, je trouve ça très bien. Il fait ça formidablement. Et alors, là-dessus, on enchaîne sur un rose très très très très très très pâle et du bleu très léger, c'est avec du clavecin d'un seul coup, que c'est Christopher et Christine qui viennent manifestement de passer un après-midi ensemble. Et c'est fantastique parce que c'est sur le même rythme. Oui, ah oui, bah oui, c'est important. C'est le même rythme intérieur des deux scènes. Enfin, c'est deux temps morts qui arrivent l'un derrière l'autre. Oui. Et à ce moment-là. Christopher en profite pour se faire enlever un point noir dans le dos. Oui, c'est une étonnante. Car on oublie toujours dans les scènes d'amour le réalisme. Là, tout d'un coup, c'est à la fois sensuel et transposé aussi. Ça reste dans l'intérieur du film. Enfin, Oui, elle se met même à quatre pattes sur lui pour arracher le point noir, qui sont des choses qu'on voit fréquemment dans la vie et qu'on voit rarement à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Et après, ils s'engueulent. Comédon amoureux. Oui, c'est ça. Et après, ils s'engueulent, toujours pour des histoires de bateau, parce que lui veut son bateau tout de suite, elle dit on ne peut pas tout de suite, et leur rapport commence à se rétablir. d'une façon assez violente même. Et hélas, tout ça est interrompu par la télévision, qui est le plaisir de Christopher. Et où on annonce. Et on annonce la mort de... La mort d'Evelyn Ward. C'est ça. C'est Roland Gerbault en personne qui apparaît sur l'écran. C'est Roland Gerbault, c'est ça. Ça, ouais. Une personne parce qu'il a les yeux légèrement globuleux et il a des mains explicatives. C'est ça, ouais. Alors là-dessus, Christophe se dirige vers le bungalow de Paul. Ben, je vais le lire. Vas-y. Comme ça, j'aurais joué les deux rôles. Vas-y. Paul, ouvre-moi. Écoute, on ne fera rien. C'est impossible. On ne sait même pas qui était là. Laisse-moi te parler. Là, la caméra passe à l'intérieur. Silence complet à l'intérieur. Christophe se retourne à bout d'argument, s'appuie contre la porte, puis il fait volte-face et appelle de nouveau. Nous dirons que tu es parti avec nous. Christine dira la même chose. Et même si elle ne fait pas, je peux toujours dire que j'étais avec toi. On ne peut rien prouver, Paul. Quelle importance ça a, une femme comme ça ? Il faut nous tenir les coudes, c'est ça qui est important. Paul, tu m'entends ? Il n'y a toujours pas de réponse à l'intérieur, alors Christophe reste là quelques instants, incertain, puis avec un geste d'impuissance, il fait demi-tour et s'éloigne vers le parc. Christophe erre dans le parc de la propriété. Il arrive près d'un petit étang, faisant partie du domaine, et s'accroupit au bord de l'eau. L'eau miroite dans les ténèbres. Christophe aperçoit un petit bateau d'enfant, probablement abandonné par les enfants d'un des ouvriers. Il est à demi submergé. Christophe, à l'aide d'une branche, ramène le bateau vers le bord de l'étang. C'est un jouet minable aux voiles délabrées et avachies. Néanmoins, Christophe essaie de le remettre en état. Puis, dans un brusque accès de méchanceté, il pose son pied sur le jouet et l'écrase soigneusement du talon jusqu'à ce que le jouet soit en miettes. C'est là un geste de profond refus, le renoncement à un rêve de toujours. Il s'éloigne vers les épais forêts du parc. Nous nous retrouvons à la séquence, mettons la séquence 30, je pense, avec Christine. Ça, alors Christine est seule dans le salon, elle donne une étrange impression de vulnérabilité. Un domestique apporte un repas, froid, sur un plateau. Christine, je n'aurai besoin de rien d'autre. Très bien, madame, bonne nuit. Merci. Christine répond d'un air absent et le domestique sortit. Christine s'approche du plateau et s'aperçoit qu'elle n'a pas la moindre envie de nourriture et se rend dans sa chambre. Elle sort d'un tiroir un pullover qu'elle enfile. Elle s'imagine qu'elle a froid, mais c'est en réalité parce qu'elle est en proie à une peur irraisonnée. Elle redescend dans le salon et à mi-chemin, lorsqu'elle est encore sur l'escalier, elle voit la porte s'ouvrir silencieusement. C'est Paul qui entre, qui lève le nez, qui voit Christine. Et je lis là, et c'est effectivement le cas, le visage du jeune homme est impénétrable et déconcertant. Chris n'est pas là ? Non. Et Jacqueline ? Non plus. Où est-elle ? Elle est allée faire des courses pour moi à Paris. Mais je l'attends d'une minute à l'autre. Alors tu es seule ? Pourquoi ? Il y a quelque chose que je veux te dire. Je le sais déjà. Christophe aussi le sait. Il semble que j'ai tué Evelyn. Je me souviens de rien. Elle gisait près de moi quand je me suis réveillé. La même chose a dû arriver avec cette Allemande. Je me croyais guéri. Mais au lieu de ça, c'est pire. Les crises sont de plus en plus fréquentes. Alors je vais retourner en clinique, hein ? Peut-être qu'ils peuvent encore faire quelque chose pour moi. Je n'ai pas peur de me livrer à la police. Ne crois pas ça. On en parlerait sûrement dans les journaux. Et le résultat serait le même. Il faudrait quand même m'enfermer pour me faire subir un traitement. Et le scandale t'obligerait à fermer cette maison. Je pense que tu n'y tiens pas. Alors voilà. Je suis venu te demander ceci. Est-ce que je peux compter sur toi et Chris pour ne rien dire ? Ou mieux encore, si la police t'interroge, de répondre que je suis rentré ici avec vous deux. Hein ? Oui, nous pouvons dire ça. Nous pourrions dire ça. À une condition. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Une chose que je veux dire, c'est que au moment où il dit tout son truc, on désaxe Paul pour mettre dans le champ une boîte à musique qui rentre dans le champ et qui sert par la suite. Paul attend que j'ai parlé à Chris. Prends un papier. Rédige l'acte de transfert. Je vais le signer. Mon nom ne signifie plus grand-chose pour moi maintenant. Je te l'aurais donné pour rien si tu n'avais pas essayé de marchander. Dépêche-toi. Elle se précipite vers le bureau. Et à ce moment-là, j'ai fait un petit mouvement croisé. Et Paul se retrouve de face à la boîte à musique. Alors qu'elle lui tourne le dos, en train de commencer à écrire le contrat qu'elle voulait depuis longtemps. Et enfin, il peut remonter la boîte à musique. Il remonte la boîte à musique, hein, et la regarde comme ça, lui fait une gueule, mais ça, hein. Il la regarde, et la boîte à musique joue Plaisir d'amour. Alors c'est là quand même un moment clé du film, parce que, on se demande tout le long, bien sûr, est-ce qu'il a étranglé ces deux femmes, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est le jouet d'une machination dont Chris et Christine peut-être seraient les meneurs de jeu, on ne sait pas très bien. Mais il y a cette scène étonnante, c'est que pendant qu'elle rédige l'acte de transfert, on voit Paul s'approcher et mettre les deux mains autour du cou de Christine. Alors là, on ne comprend plus très bien. Non, il y a mille explications pour ça, ou il n'y en a aucune. De deux choses, une, oui, il est fou, il n'est pas fou. S'il n'est pas fou, il les a tués, il peut la tuer. S'il n'est pas fou, il a pu le devenir. Parce qu'après avoir été mis dans cette condition de folie, il a pu le devenir. Et il pourrait... Elle est étranglable facilement, cette dame. Il pourrait très bien l'étrangler, même sans être fou. Elle était étranglable. Ah, oui. On peut penser aussi qu'il se dit... Non, mais ce qui est encore moins explicable, qu'on ne peut pas expliquer, c'est la pirouette. Parce que s'il est fou, il ne fait pas cette pirouette. S'il n'est pas fou, il ne la fait pas non plus. Ah oui, c'est-à-dire qu'au moment où il entend frapper à la porte et qu'il entend Jacqueline, le secrétaire, qui arrive, il se retourne brusquement et fait une pirouette. Et lui sourit. Une espèce de clown qui sourit et qui va s'asseoir en jouant les lunatiques comme ça. On peut pas toujours tout expliquer dans un film. Ça, c'est absolument, oui, c'est ça. Là, c'est absolument inexplicable. Et on y tient la pirouette. Ah oui. C'est ça. Parce qu'on peut penser à un moment donné aussi qu'il fait ce geste pour se dire, est-ce que je suis capable d'être un fou, d'être un étrangleur? Peut-être. Et qu'est-ce qui... Mais alors la pirouette devient une folie. Mais alors la pirouette devient une folie. Donc il est fou. Alors bon, alors là, voilà Jacqueline qui est revenue. Et alors, c'est la scène où donc... Jacqueline tape la renonciation et... Il la signe. Si on la regarde bien, on ne doit pas comprendre, mais on sait qu'il se passe quelque chose. Quand elle t'appelle. C'est assez. Mais quand on la regarde, on ne sait pas du tout. Oui, brusquement, cette secrétaire, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle tape ça comme ça? Absolument. Sans parler du fait qu'il y a quelque chose dans le visage de cette secrétaire qui gêne de plus en plus depuis le début du film, il faut bien le dire aussi. C'est pas la couleur des yeux, en tout cas. Paul revient chez lui. Oui. En faisant son bungalow. Et je vois séquence 33, il se jette sur son lit, se roule dans la position fœtale et tire les couvertures. Ça, c'est très important. Oui, c'est ce bien sûr. Oui. Alors, nous arrivons à la fameuse séquence 34, ou alors, qui est le coup de théâtre. Là, qu'on pourrait dire Hitchcockien. C'est l'équivalent de Vertigo, là, à ce moment-là. C'est tout d'un coup cette espèce de dédoublement. Une heure s'est écoulée depuis que Paul a quitté la maison. Christine dort du sommeil du vainqueur. Soudain, de l'extrémité de la chambre, une ombre se détache et lentement, silencieusement, s'approche du lit. Cette ombre est rouge. Oui, c'est ce capitaine. Une femme que nous connaissons déjà. C'est la superbe blonde de Hambourg que nous avons aussi aperçue à la soirée d'Evelyne. Elle se dirige vers la fenêtre, puis elle revient vers le lit, ouvre un tiroir et en sort un bas de soie. Christine ouvre les yeux et se pupille se dilate d'horreur. On croirait presque qu'elle reconnaît la femme. La blonde, calmement, avec l'efficacité d'une professionnelle, étrangle Christine. Son crime accompli, elle arrache les couvertures, crée un certain désordre en renversant la lampe de chevet et en éparpillant les oreillers sur le sol. Pour finir, elle retrousse la chemise de nuit sur les jambes de la morte, puis elle s'éclipse sans bruit. Bon. Christophe rentre après sa promenade dans le parc, monte dans sa chambre et il trouve la blonde. Christopher, tu dois être folle pour venir ici à cette heure. T'en fais pas, j'ai verrouillé la porte. Je t'attendais. C'est la blonde qui parle. Oui. On ne peut pas rester ici. Elle est couchée. Rien à craindre. Montons. Et on les voit prendre un petit escalier. Ouais. Là-dessus, on est chez Paul. Et il se réveille. Il est à plat ventre. Parce que là, il n'est même plus sur son lit. Il ne marche même plus à quatre pattes. Il rampe. Il est à plat ventre sur son... Sur le tapis. Sur le tapis. Il rampe comme ça. Et il voit une bouteille de whisky. Et... Là, il réalise qu'il a dû tomber sur une bouteille. C'est très flou dans sa tête. Il regarde cette bouteille de whisky et se murmure à lui-même. Je suis tombé. Je m'en rappelle être tombé. Je m'en rappelle avoir perdu conscience. Comment aurais-je pu tuer Evelyne? J'étais paralysé. Je me vois en train de tomber. Je me rappelle. Paul pénètre dans la maison par une petite porte de derrière. Il traverse la cuisine, puis la salle à manger et monte à l'étage. Son pas est ferme. Il n'y a plus rien du somnambule de la nuit précédente. C'est un détail quand même. Il dit « je ne suis pas ». Oui. Et il traverse les couloirs du château en murmurant « je ne suis pas fou, je ne suis pas fou ». Il le murmure comme un fou du reste. Le lit est défait. Paul se dirige vers la porte de communication avec la chambre de Christine. Le verrou est tiré. Paul ouvre la porte. Il éclaire l'atelier. L'autre porte de communication est ouverte. Paul s'approche, devine, puis voit le corps de Christine. Paul crie, appelle Chris. Il se rue vers la porte, se retourne dans le couloir. Il avise l'escalier en colimaçon qui monte à l'étage supérieur. Il le monte 4 à 4. Il ouvre la porte. Jacqueline ! Dans l'ouverture de la porte, il ne peut retenir sa phrase. Jacqueline ! C'est Christine. Elle est morte. Venez vite. Ce qu'il voit le cloue sur place. Là, c'est hélas plus racontable. Non, mais c'est plus racontable. C'est pas du tout à cause de l'intrigue, ça, je m'en fous. Mais c'est plus racontable. Parce que si on raconte, il voit d'abord une robe rouge. Une robe rouge, oui, mais il y a un plan qu'on ne peut pas raconter. Il voit une robe rouge. Il voit une robe rouge. Il lui dit, c'est toi qui l'as tué. Et puis la caméra fout le camp dans la glace et on voit la blonde qui dit, oui, c'est lui qui l'a tué. Alors attention, il passe au fond noir avec Allo. Christopher entre dans le champ. De là, on passe de la robe rouge à Christopher qui rentre dans le champ. Devant une glace. Qui dit qu'est-ce que il bégaye, qu'est-ce que tu dis? Bon, on repasse sur lui, sur fond noir sans halo. Christine est morte. Qui dit Christine est morte. À ce moment-là, on repasse sur Christopher, on voit une ombre qui entre à l'intérieur de la glace, on pénètre vers la glace, on est sur fond jaune. Christopher dit mais c'est toi qui l'as tué. Christopher, la blonde dit oui, bien sûr que c'est lui qui l'a tué. On repasse sur l'autre qui est sur fond jaune maintenant et qui dit qu'est-ce que c'est. On repasse sur la blonde qui n'est plus sur fond jaune mais sur fond beige et qui tombe rouge. On s'aperçoit qu'il y a une moquette rouge. Je peux pas la raconter, je suis désolé. Bon, mais on peut quand même donner le coup de théâtre là. Oui. C'est qu'à ce moment-là, oui, on aperçoit donc cette blonde, cette fameuse entraîneuse blonde, et qu'elle commence à se grimer. Elle se met des verres de contact de noir. Elle se met une perruque noire. Elle se met, je sais pas quoi, un objet dans la bouche, ou je sais pas quoi, un appareil. Et brusquement, on reconnaît Jacqueline, la petite vieille fille secrétaire, qui était dans le film. Et effectivement, tout le long du film, on se dit, elle a une drôle de ressemblance avec cette entraîneuse blonde. On lui trouvait une drôle de tête. D'abord, on trouvait aussi qu'elle ressemblait vaguement à Stéphane Audran, tout en disant que c'était même pas Stéphane Audran qui était plus jolie que ça. Donc, tout le long du film, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette étrange actrice? Et on s'aperçoit que c'est un grimage, c'est un maquillage. Ah oui. Bon, alors ça, c'est quoi? On s'aperçoit qu'elle a fait... Ça sont les conclusions quand il y a après. Alors... Mais on s'aperçoit qu'elle a fait ça, enfin, elle dit avoir fait ça. Oui. C'est-à-dire être la coupable du meurtre de la prostituée d'Evelyne et de Christine, et de Christine, par amour pour Christopher. Qui l'avait emmené là. Finalement, Christopher héritera de la fortune de sa femme, et ils pourront partir tous les deux. Et rendra coupable... Paul. Puisque Paul est le dernier, dans le raisonnement de la blonde, est le dernier à avoir vu vivante Christine. Christopher refuse cette explication, il y croit, espèce de ça, et il veut l'étrangler, il veut la tuer. Et ça se termine dans un... C'est-à-dire que d'abord, elle essaie qu'il tue Paul aussi. Oui, c'est ça. Elle essaie qu'il tue Paul. Oui. Et alors il refuse, et alors ça se termine dans une mêlée incroyable, et là vous avez fait un plan choc, on est sur ces trois qui se battent par terre, puis brusquement il y a un recul, et on aperçoit une espèce de boîte de jouets, si on veut, d'une maison de poupées dans laquelle il y a trois serpents qui se... Mais d'ailleurs ça va aller plus loin, parce que le dernier trucage n'est pas arrivé, les trois serpents vont devenir une tête d'épingle. Bon, alors nous, quand on termine, maintenant nous avons fini, je ferme le scénario et je me dis, moi, spectateur, j'ai vu ce film et je me dis, bon, ben, c'est une histoire absolument rocambolesque, mais assez captivante. On s'est laissé avoir pendant tout le film où il y a cette espèce d'étrange fille maquillée qui joue deux rôles et qui est un monstre épouvantable qui a assassiné trois femmes pour que son amant hérite et qu'ils partent heureux tous les deux sur un yacht. Bon, et alors vous me dites, oui, mais attention, il y a eu geste d'étranglement sur Christiane de Paul. Alors quoi? Alors finalement. Mais l'onirisme intervient bien avant. Oui. C'est évident que si c'est rêvé, on peut tout se permettre absolument. À ce moment-là, c'est la seule façon d'expliquer le geste de Paul et son sourire à la fin, puisqu'on peut, on peut aller n'importe où. Enfin, si on parle d'onirisme, ça peut être un film entièrement rêvé. C'est-à-dire qu'il peut être rêvé peut-être avant le film. Enfin, ça, oublions ça. À partir du générique. Pirouette intellectuelle. À partir du générique. En tout cas, à partir du générique. Ouais. À partir de la fêlure. Oui. C'est ça. C'est-à-dire le choc de contre la vitre, ouais. Contre le pare-brise. À ce moment-là, le générique serait le résumé du film. Il peut être rêvé à partir de Hambourg, bien entendu. Ouais. Il peut être rêvé à partir de son réveil. Mmh. Peut-être son énorme cuite d'Hambourg qui le fait rêver tout ça. Mmh. Il peut être rêvé à partir du moment où il se couche en position fœtale et où il rêve du dénouement. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait sur la possibilité de faire passer plusieurs lignes par deux points, plusieurs droites par deux points. Alors ça, c'est vous m'avez parlé du nona, nona pour quelques initiés qui sont assez peu nombreux. Moi, j'ai été initié par Monsieur Oveida. Mmh. Ce sont les doctrines de Korzybski, non aristotélicien. Oui, alors ce film est le premier film non aristotélicien. Non, je veux dire qu'il n'a pas la volonté d'être avant tout un film non aristotélicien. Ce serait grotesque. Mais je ne voudrais rien dire. Et puis c'est pas pour ça qu'il serait bon. Mais ce que j'ai essayé de faire, en plus que le fait que ce soit une intrigue policière, comme ça, j'ai essayé de voir de montrer à quel point la logique naturelle que l'on reconnaît à une continuité filmée est une logique qui n'est pas une logique évidente, mais une logique apprise. C'est une grammaire. Et je trouve que il est bon de temps en temps de faire un film qui soit complètement vraisemblable et possible du point de vue d'un film traditionnel et qui en même temps soit en perpétuelle contradiction avec lui-même. Un critique disait dernièrement dans un journal que Claude Chabrol pourrait lire et commenter le Bottin Mondain pendant des heures et lui trouver des significations diverses. Eh bien, je crois que cette émission aura prouvé les dons de Claude Chabrol, puisque pour ce film Le Scandale, que vous avez peut-être vu et dans lequel vous n'avez peut-être trouvé qu'une histoire policière à la Hitchcock, eh bien on peut trouver aussi bien de la philosophie non aristotélicienne que des significations plus ou moins ésotériques. C'est là vraiment toute l'imagination débordante de Claude Chabrol. C'est un document donc qui met méritait d'être entendu. Histoire sans images. C'était une émission de Michel Polak. Aujourd'hui, Le Scandale de Claude Chabrol avec l'auteur et Maurice Ronet. Assistante de réalisation, Annie Cœurdevin. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 avril 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. I've seen mountains, I've seen bridges, distances, uncharted beaches, I've seen